Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va parler de course à pied. On sait que ce printemps, j'avais fait une entrevue avec Jonathan Noël, un coureur du Saguenay qui s'adonne à des compétitions, à des très, très grosses compétitions. On sait qu'il y en a un dans le Haut-du-Lac qui fait ce même genre de compétition, un petit peu moins grosse, mais quand même, c'est quelque chose. Et vous le connaissez en plus de ça, c'est le directeur général de la coopérative des Deux-Rives, Dominique Tremblay, il est également le patron du marché Wahlberg. Salut Dominique! Salut Danny. Dominique, si on parlait un peu, c'était ta deuxième expérience cette année. Comment ça a été? Ça a bien été. Pour la première partie de la course, ça se déroulait bien. La nuit a bien passé. Malheureusement, là, au terme d'une longue, longue descente, le genou a cédé. Puis j'ai essayé de continuer là-dessus, mais il a fallu que je me résous d'abandonner après une cinquantaine de kilomètres de course. Là. Ça sera partie remise l'année prochaine. OK. Malheureusement. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est-tu, là, parce que je sais que tu es très occupé, tu es directeur de la coopérative des Deux-Rives. En plus de ça, tu as le marché Wahlberg cette année, en plus de t'occuper. Je sais que ça a été beaucoup de travail. Est-ce que ça l'a joué, ça? Non, je pense pas. J'ai quand même consacré pas mal de temps à mon entraînement. Je pense que j'étais bien entraîné. Okay. Je suis pas le seul à qui c'est arrivé. Là, des abandons, il y en a eu une trentaine au cours de la journée. Donc, le parcours était pas facile. Puis c'est des choses qui arrivent, là. On n'est pas à l'abri de ça. Les meilleurs athlètes sont pas à l'abri de ça non plus. Là. Il y a même le gagnant du Marathon de Montréal qui s'essayait en trail, qui a eu une blessure à la cheville, qui a dû abandonner. Fait que je le prends comme d'expérience de plus dans le bagage. Puis comme ça fait pas tellement longtemps que je cours, déjà d'avoir fait cette réalisation-là, je suis quand même content de la performance parce que ça allait mieux que j'avais anticipé dans mon entraînement. La course se déroulait vraiment bien. Okay. Là, quand la douleur devient supportable, ben, je fais pas juste ça dans la vie courir, là. Donc, j'ai été sage et j'ai dit on se reprendra l'année prochaine. Tu dis que le gagnant du Marathon de Montréal le fait cette année, puis il a abandonné. J'imagine que c'est complètement... Ouais. C'est un autre genre de sport. Ouais. On peut quasiment dire que c'est un autre genre de sport, hein? Ah, c'est pas du tout la même chose. Écoute, c'est la montée, la première montée qu'on devait faire, je pense que ça avait un dénivelé de presque 1000 mètres sur 2 km. C'est assez intense, ça. C'est vraiment pas de la course linéaire. Il y a des longues sections qui sont à peu près impraticables de courir. Il faut vraiment se déplacer en montagne. Après ça, il faut profiter des plats pour prendre. C'est une autre stratégie de course, c'est de gérer son énergie. Je n'enlève pas le mérite. Un marathon, c'est un autre effort qui est aussi intense. Hein, sauf que la course en sentier sur de longues distances comme ça, c'est une discipline qui est plus de la gestion d'énergie que de l'effort et de la puissance brute. Quoi. OK. Tu as parlé de côtes. Le fait qu'il n'y a pas beaucoup de côtes ici dans le haut du lac, ça a-tu joué dans ta préparation? Ben, c'est sûr que c'est beaucoup plus dur d'avoir des terrains qui ressemblent au terrain escarpé de Charlevoix, ou dans les agricoles du lac Saint-Jean. Disons que je ne viens pas de la bonne région pour pratiquer ce sport-là. Ce que ça m'a appris, c'est que j'ai quand même beaucoup d'heures en dénivelé. Là. Je m'entraînais dans des pistes du Toboski ou même du Domiscade de bois quelques occasions. Mais ça n'a rien à voir là, avec une descente qui peut durer un kilomètre et demi. Ce que ça m'apprend, c'est que pour le printemps prochain, je vais probablement me déplacer quelques fois, là, peut-être au Mont-Saint-Anne pour aller faire peut-être à Sonam, pour aller faire du sentier plus escarpé là, pour ajouter mon bagage d'expérience. Tu savais, Dominique, que on n'avait pas assez de côtes. Comment qu'un athlète, quand il sait qu'il va courir dans une compétition qui a beaucoup de côtes, comme Charlevoix, puis comment ils s'entraînent pour jauger avec ça? Je ne sais pas si tu comprends ma question. Là. C'est quoi ta préparation? C'est-tu plus de cardio? J'essaie de reproduire. Ouais. Mais tu ne l'as pas? Non, j'essaie de reproduire exactement les conditions. OK. Ouais, sauf que tu descends souvent à la même côte. Hein. OK, c'est le même que tu... Plutôt que le faire sur un 10 minutes de descente, je descends 30 secondes, je remonte, je redescends, je remonte. Ça ne doit pas être la même affaire quand même, hein? Mes descentes. Ça ne doit pas être la même affaire quand même, hein? Non, ben c'est sûr que ça se compare pas, mais en même temps, j'ai fait de l'exercice en gymnase. Je pense pas que c'était un manque de préparation physique. Là. Le physique allait super bien. C'est un avarie, là, ça arrive. Là. Un faux pas, c'est glissant. Les racines, c'est glissant également. Mais oui. 53 kilomètres. C'est un marathon comme le Montréal, le fameux mur. Puis toi, tu sentais-tu arrivé le mur? Parce que là, c'est physique, c'est pas le mur. Le mur, c'est psychologique. Tu sentais-tu arrivé? Oui. Pas du tout. Mais là, c'est sûr que le départ est à 2 heures de la nuit. OK. Donc, la nuit était terminée, le soleil était absent cette journée-là, mais en fait, le jour se levait, donc ça donnait de l'énergie aussi. On tombait à clarté. Quand j'en est arrivé, c'était dans un très, très bon état d'esprit. J'étais pas mal en avance sur les objectifs que j'avais en termes de temps. La course a démarré super vite. Là. Les meneurs, ils ont vraiment mis un rythme d'enfer au début. Donc, on avait un rythme plus élevé que je m'attendais. Donc, après 40 de kilomètres, j'étais en avance sur mon objectif. Ça allait vraiment bien. Mais c'est ça, les blessures, ça peut arriver. Fait que j'ai préféré abdiquer plutôt que d'empirer mon cas. OK. C'est parti remis. Il y en avait 31. Il y en avait 31 d'abandon? J'ai vu une trentaine d'abandons. OK. Ouais. Puis tu me disais que Jonathan Noël, que j'ai interviewé cet été, ce printemps, il a gagné. Non, j'ai vu qu'il l'avait complété. Je ne sais pas son, okay. son rang. Il a bien performé. Je pense il est arrivé deuxième de la région. Il y a Marc Bouillard. Ah, OK. Je pense que Jonathan est après. C'est une machine. C'est vraiment... C'est les gars qui ont plus... Ouais. Oui, c'est ça. C'est une machine. Hey, ça fait 2 ans que tu fais Charlevoix. T'attends-tu de faire d'autres choses? Ou c'est... Oui, c'est sûr que... Ben, il y a une raison pourquoi je fais Charlevoix. C'est plus proche? C'est une course qualificative sur le circuit mondial qui me permet d'accumuler, qui me permet d'accumuler des points qui vont me donner accès à des courses ailleurs. Mais sinon, j'ai déjà regardé une programmation de courses en sentier. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a peut-être 6 à 8 au Québec, mais je vais essayer d'en faire une ou deux là, en préparation pour Tourage et Canada l'année prochaine. Okay. C'est-tu un sport qui est en pleine expansion? J'imagine, écoute, étant donné que le sport, écoute, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Écoute, c'est pas un sport. C'est en pleine expansion, puis à tel point qu'on dirait là, plus il y a de popularité, ce qu'on me disait là-bas, plus il y a de commanditaires, puis quand l'argent... s'en mêle, ben là, il commence à avoir des athlètes de haut niveau de d'autres sports qui s'intéressent à ça. Puis même, l'année prochaine, ils installent les contrôles antidopage pour les athlètes d'élite, parce que s'il y a de l'argent en jeu, il y en a qui ont envie de faire des choses, ce qui n'était pas le cas. Ça va contre l'esprit complètement du sport. Mais c'est une réalité, là. Ça prend beaucoup de... Il y avait deux fois plus de participants cette année au 125 que l'an dernier. Donc, les organisateurs sont super contents. Ça gagne en popularité. C'est une discipline qui prend sa place de plus en plus au Québec. Ben oui, puis c'est sûr. Puis ça va avec, j'imagine, le sport de la course. Tu sais, il y a 10 ans, c'était pas in courir. Aujourd'hui, c'est in courir. Fait que j'imagine, tu sais, écoute, les disciplines comme le marathon des deux rives et ainsi de suite, montent, même dans la région, ça monte tout le temps. Fait que j'imagine que ce genre de compétition-là, qui n'est pas donné à tout le monde en passant, là, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, là. Il y a une expansion aussi, là. Hey, c'est-tu des Québécois, la plupart, qui sont là? Ben, la majorité, oui, mais c'est sûr que sur le podium, c'est des athlètes internationaux. Là, les trois, même dans les 5 premiers, il y en avait un ou deux Québécois. Sinon, c'est une Américaine qui a gagné du côté féminin. C'est un gars de l'île de la Réunion qui a gagné du côté féminin. Parce que c'était la première fois qu'elle était sur le circuit mondial officiel. Sauf que les Québécois qui performent à la scène mondiale, on avait deux semaines à l'épreuve du Mont-Blanc. Jean-François Cochon, qui était le gagnant de l'an dernier, s'était qualifié pour cette course-là en Europe, puis il a fini 31e, donc c'était extraordinaire comme résultat. Fait que c'est sûr que ça va nous mettre sur la map, là, des Québécois qui performent, il y en a, à l'échelle mondiale. Il va en avoir de plus en plus au fur et à mesure que la discipline va être connue. OK, ben c'est sûr, hein, puisque c'était ma prochaine question, parce que le marathon de Montréal, puis les marathons de Boston, puis les marathons de New York, dans des disciplines, c'est des gens d'Éthiopie, c'est l'île Union, c'est pas mal dans le même coin aussi, là. Donc j'imagine qu'ils performent aussi, là. C'est pour ça, là. Ouais, puis c'est des gens qui viennent des Alpes, des places escarpées, hein, qui se prêtent à ça, l'entraînement est facile pour eux. Ils ont toujours vécu dans ces environnements-là, souvent. Là. OK. OK. Ben, Dominique, c'est pas mal le fun de voir. Donc, j'imagine que toi, c'est ta seule course de l'année. J'imagine que tout ce que tu fais. L'an prochain, on va te suivre un peu. Toi, c'est sûr qu'avec ton poste de directeur général et la job et la famille, c'est pas évident de faire jauger tout ça. Mais tiens-moi au courant de tes compétitions l'an prochain. Ouais, ben c'est sûr que je prévois d'en faire plus. OK. Du printemps, j'aimerais peut-être faire deux ou trois ultra-marathons là, en préparation pour le printemps, l'automne prochain. Là. OK. Ça fait partie des objectifs. Puis, comme les autres coureurs, on est tous dans la même réalité. C'est tous des gens qui travaillent aussi. Donc, si on décide de faire une activité, on met le temps qu'on peut mettre. La bourse, c'est comment? La bourse au gagnant? La bourse au gagnant, c'est quoi, hein? Ah, je pense pas que c'est des gros montants. J'en ai même pas aucune idée. Okay. Je pense pas que. Okay. C'est pas une discipline qui est si payante que ça. Là. Non, si tu fais ça pour le trip. À travers du lac, ça donne des bonnes bourses, mais pas à même échelle que d'autres sports. Non, c'est vrai, c'est très vrai. Ça va pas au mérite. Ça va pas au mérite, parce que moi, pour avoir couvert la traversée du lac Saint-Jean, je peux te dire une affaire, c'est pas mal la discipline la plus difficile, la plus tough. Puis écoute, je pense que c'est quoi, c'est 10 000, je pense qu'au gagnant, c'est quand même pas mauvais, là, mais quand tu comptes tout ce que tu fais, l'impôt, payer ton entraîneur, à la fin de la journée, il te reste quoi, peut-être 2-3 000? Quand tu as fini de te payer ta préparation, fait que, tu sais, ça vaut pas mérite, tu l'as très bien dit. Ouais. Mec, très bien, gros merci, puis bonne chance pour le marché Walbert. Merci bien. Dominique Tremblay, directeur général de Coopérative des Deux-Rives.